qu'il y a un là mais qui est pas à fin aujourd'hui. Laisse-moi l'espoir de te voir. J'aime quand tu repenses à ces moments instantanés où tu m'as laissé me glisser sous ta culotte de chasse. Pompée, discours pas méchant, tu vas râler sûrement, tu vas contester. Mais notre aventure est sans lendemain. Discours pas, mais c'est pas quoi t'inspirer. Mais quand on s'est rencontrés, tu m'as inspiré. Tu sais, c'est pas pour aller voir ailleurs, mais pour l'instant, encore trop de haine dans mon cœur pour intégrer l'amour dans la vie de tous les jours. Si t'as besoin et que je te rassure, je t'assure, je te prends pas pour une pute, je me permettrai pas. Et de toute façon, je te payerai pas. Alors crois-moi, l'amour devient un poids. Peut-être parfois, il permet de faire des pas en avant. Mais pourtant, mon expérience m'a pris. Je le conservera, puis par la suite s'installera. Jalousie ou impatience, encore histoire de fric. À ce moment-là, on se détestera. Trop de là, dommage sur ce temps-là. Avance-moi, profitons dans de beaux draps. De soir, un peu là, dans tes bras. Mais à l'horreur, s'il te plaît, rentre chez toi. Les roses nous font des bleus. Un peu là, laissons parler les attirances avant que nos voeux ne puissent plus se réaliser. Ma complice, tu nuis, par favor, appelle-moi quand je. Accomplice du nuit, pour savoir, appelle-moi comme baby.